Damn, Lusty, is this legal? Veulent faire comme nous, on les voit. Baby, moi, regarde-moi. Un peu de codéine dans mon 7-up. J'vois une jague et j'passe au level up. Toi, grip point, j'les vois bigger up. Veulent faire comme nous, on les voit. Baby, moi, regarde-moi. Un peu de codéine dans mon 7-up. J'vois une jague et j'passe au level up. Toi, grip point, j'les vois bigger up. Bébé, roule ensuite, je serai pamper up. J'ai caché les ish en toutes les fraîches, entre ses fesses, sous la jupe à Pénélope. Poste pour retraite sous les palmes. Baby, mama, tout en balme. C'est l'argent du crime que j'ai pas à moi. Je répète, c'est l'argent du crime que j'ai pas à moi. Veulent faire comme nous, on les voit. Baby, suce-moi, regarde-moi. De purée, je suis refait, je prépare le millefeuille, je suis dans le refou. Pénèque, les bleus peuvent venir nous crever. Les salopes de potes, ils sont acculés. Je le fais, je suis crapuleux, un peu comme Dracula. Mon arme ne me fait pas reculer, plus besoin de spéculer. J'écris, c'est ma culasse. Toute la recharge dans sa culotte, qui était à l'arrêt de bus, moi j'ai plus l'âge. Je veux qu'elle avale tout, ça m'excite, mais c'est dégueulasse. Ils veulent faire comme nous, on les voit. Baby, moi, regarde-moi. Un peu de codéine dans mon 7-up. J'bois une jague et j'passe au level up. Toi, un grip point, j'les vois bigger up. Ils veulent faire comme nous, on les voit. Baby, moi, regarde-moi. Un peu de codéine dans mon 7-up. J'bois une jague et j'passe au level up. Toi, un grip point, j'les vois bigger up. Où les trouver, on sait où les trouver. Me sait qu'elle est comme mon calèche et des touches. J'venais les planter quand ils allaient planter. Je compte plus ces polos où j'ai fait des tâches. Il me faut une baby pour un peu de douceur. Beaucoup de rivaux, ça allume à tout heure. Parce que toi, c'est aimé, plupart du temps bloqué. Donc, non, mes ennemis sont pas sans Twitter. Jamais. Veulent faire comme nous, on les voit. Baby, suce-moi, regarde-moi. Initiateur pour honorer nos morts. Et puis tu sais que la mala est gang. Sauf non, ma nigga don't play anymore. Gang, gang, gang. On sait où les trouver, on sait où les trouver. C'est que des cons, mon calèche et des touches. Gang, gang, gang, gang. On sait où les trouver, on sait où les trouver. C'est que des. Ils veulent faire comme nous, on les voit. Baby, moi, regarde-moi. Un peu de codéine dans mon 7-up. J'bois une jague et j'passe au level up. Toi, un grip point, j'les vois bigger up. Ils veulent faire comme nous, on les voit. Baby, moi, regarde-moi. Un peu de codéine dans mon 7-up. J'bois une jague et j'passe au level up. Toi, un grip point, j'les vois bigger up.